Bonjour à tous, chères auditrices et auditeurs. L'association Ralentir pour vivre reçoit aujourd'hui Éric Collen, ex-employé de l'entreprise Michelin et auteur de l'ouvrage « La méthode Michelin » ou « Comment rendre les salariés inaptes au travail ». Il nous apporte son témoignage de l'épuisement, appelé plus communément « burn-out », dont il a été victime. Ce phénomène touche actuellement plus de 3 millions de la population française et ce sujet est relativement tabou. C'est donc dans le but de rompre le silence que nous avons organisé cette rencontre. Je vous remercie beaucoup de votre écoute et je vous dis bon après-midi en notre compagnie. Bonjour Éric. Bonjour Catherine. Voilà, nous te remercions d'être présent aujourd'hui pour ce témoignage. La première question qu'on va te poser, c'est comment est-ce que tu pourrais décrire le jour J, le jour de prise de conscience, le down? C'est quelque chose qui est arrivé soudainement. Je suis sorti du travail, il y avait eu un événement qui s'est passé au travail, je devais partir en déplacement, c'était annulé, c'était remis, c'était annulé. Quelque chose qui était en plus de tout le reste, en fait, qui s'ajoutait. J'ai été voir mon médecin, il m'a arrêté et je ne suis pas retourné pour 6 mois. Quoi. C'était quoi cette impression que tu as eue? J'ai eu l'impression de tomber, en fait. C'était vraiment une... C'est comme si d'un coup je m'arrêtais et que j'arrivais plus à ressortir, en fait, en gros. C'est que j'étais enseveli, mais avant, il y a eu des symptômes, il y a eu des choses qui se sont passées. Après, c'est pas la question, mais effectivement, il y avait des événements qui ont fait que il y a des choses qu'il fallait résoudre. Mais c'était plutôt cette impression de dire bon, ça va passer en plus. En plus, se dire ça va passer, c'est que se dire bon, c'est rien, c'est un petit moment d'arrêt, et puis. Puis c'est bon, dans 8 jours, j'y retourne, quoi. C'est rien du tout. Et puis, 8 jours passent, 15 jours passent, et 15 jours, c'était de pire en pire, quoi. J'avais l'impression vraiment que tout s'écroulait autour de moi, quoi. Que j'avais plus d'énergie, j'avais l'impression que le médecin m'avait donné des cachets et que c'était ça qui me faisait dormir. En fait, non, j'étais en train de récupérer, j'étais en train d'avoir un contre-coup de tout ce qui s'était passé avant. Par rapport à ce jour de prise de conscience, comment s'est passée la réaction dans ton entourage privé? Dans le privé, c'était assez particulier. Je dirais que c'est presque grâce à ma conjointe que c'est elle qui m'a poussé à aller voir le médecin, déjà, dans un premier temps. J'y avais été 15 jours avant ou quelque chose comme ça, parce qu'elle me dit ça va plus. Enfin, je criais après. Même là, je criais après les enfants, alors qu'on a une éducation non violente. J'avais 2 petites filles à l'époque, elles étaient petites, et c'est vrai que je m'énervais pour un rien. Quand j'arrivais à la maison, c'était quelque chose, c'était la soupape, en fait. En gros, tout, j'arrivais presque à contenir tout ce qui se passait au travail, mais à la maison, c'était vraiment la décompression, et ça devenait infernal. Donc elle m'avait dit, bon, écoute, il faudrait quand même que tu ailles faire quelque chose. Effectivement, le médecin m'avait donné des anxiolytiques. Bon, il m'avait vu une première fois, et il m'avait donné ça, mais ça n'avait pas suffi. Et après, derrière, c'était la stupeur, en gros, finalement. Parce que c'était un monde qui s'écroulait d'un coup, quoi. Quelqu'un qui tient la baraque et qui, d'un coup, tombe, quoi. Donc, c'était la stupéfaction. Après, je sais qu'à distance, les gens n'étaient pas trop courants. On était éloignés un peu de la famille. On s'était rapprochés de l'entreprise pour travailler, etc. Donc, on était loin de toute la famille. Finalement, ils ont vu ça de très loin. Après, ils se sont aperçus, quand ils m'ont revu, effectivement, parce qu'on se voyait peut-être tous les 2 ou 3 mois ou quelque chose comme ça. J'avais perdu énormément de poids déjà au bout de 3 mois. J'avais perdu une dizaine de kilos, des choses comme ça. J'étais vraiment. Très, très très très marqué, en fait, sur le profil, quoi. Donc la réaction de la famille, je sais pas si j'en ai trop parlé, en fait, finalement, voilà. Donc là, on va en arriver à la réaction dans l'entourage professionnel. Donc là, tu vas pouvoir te présenter par rapport à dans quel contexte ça s'est passé. L'entourage professionnel, moi, j'étais dans un grand groupe, hein. J'ai travaillé chez Michelin pendant quelques années. En fait, on était sur des projets énormes, hein, des projets de transformation de l'entreprise sur lesquels ça faisait plusieurs années qu'on travaillait. On travaillait sur des nouvelles méthodologies, avec des rythmes de travail qui étaient intenses. On travaillait sur des versions de... On devait outiller, en fait, la supply chain de Michelin pour les semi-finis. Et on avait une méthode de travail qui consistait à faire des sprints, et ça faisait plusieurs années que ça s'enchaînait. Et on avait beau travailler, je dirais, on avait fait plusieurs versions des applications qu'on devait livrer. Et on avait beau dire les choses qui n'allaient pas, systématiquement recommencer l'année d'après avec les mêmes choses, les mêmes problématiques, etc. Il n'y a rien qui était fait. Donc c'était très, très surprenant. Et moi, je travaillais en plus dans un environnement où j'étais pratiquement le seul Michelin, et on était beaucoup de prestataires. Il y a beaucoup de prestataires qui travaillaient avec moi, donc les relations de travail étaient aussi un peu tendues, parce qu'il y avait cette notion de subalternité, de travail en commun ou ce genre de choses. Donc L'environnement de travail était assez toxique. Il y a beaucoup de gens qui sont tombés avant moi, hein, finalement. Il y a des gens qui sont sortis, des prestataires extérieurs qui sont sortis, de missions qu'on demandait à sortir. Il y a des gens moi, je travaillais avant avec un ou deux Michelin, ils sont partis. En fait, on les a replacés ailleurs parce qu'ils n'en pouvaient plus, etc. Ils étaient un peu moins expérimentés que moi. C'est des symptômes qui étaient là, en fait, hein, finalement. Tout l'environnement de travail était tendu. Il y avait aussi des crises qui apparaissaient dans les équipes, hein. Il y avait des fortes tensions, mais on disait toujours que bah, c'était à l'équipe de résoudre ces crises, c'était toujours dû à des personnalités, des caractères qui ne s'entendent pas, enfin bref, la faute était rejetée sur les différents personnels, quoi. C'était assez stupéfiant, et du coup, moi, le jour où je suis tombé, bah, j'ai eu mon manager qui m'a appelé forcément, mais ce qui l'intéressait, c'est, bon, il m'a dit, comment tu vas bien, mais c'était surtout, quand est-ce que tu vas revenir, quoi, finalement. Et bah, au début, bah, effectivement, je dis, bah, non, ça va aller, je récupère un peu, et puis, au fur et à mesure, bah, je donnais plus de nouvelles, parce que j'avais besoin de couper vraiment avec l'entreprise, quoi. Et ça s'est passé pendant 6 mois, pratiquement, et j'ai commencé à reprendre contact, bah, avant de retourner au travail, puisque je suis retourné, et à préparer mon arrivée, quoi. Pour bah, préparer mon arrivée, mais pour changer de poste finalement. Parce que je ne pouvais pas revenir dans l'environnement dans lequel j'étais, et c'était difficile, quoi. Difficile à quel niveau? Bah, difficile psychologiquement, en tout cas, moi c'était difficile. Je sais que le jour où j'y suis retourné, rien que de franchir la porte, c'était vraiment quelque chose d'invraisemblable. Hein. C'était quelque chose qui était. C'était un traumatisme, en gros. Hein. Je sentais bien que même pendant quelques mois, j'avais été éloigné de l'entreprise, j'arrivais même plus à revenir dans la ville de l'entreprise, quoi. C'était Oui. quelque chose qui était très marqué. Mais là, d'arriver devant la porte, de s'imaginer arriver devant la porte et de se reconfronter à ses collègues et tout, c'était presque impossible, quoi. Oui. C'était vraiment Il a fallu se forcer presque à y retourner. Après, je sais que j'y étais allé parce qu'il fallait rencontrer le médecin d'entreprise. Pour qu'il valide en fait bah, mon redémarrage, ou qu'il essaye d'aménager mon arrivée. Mais même ça, j'essayais de voir personne, et c'était assez particulier, quoi. J'avais senti cette tension qui était très présente. Nous allons faire une petite pause musicale avec la pianiste belge Auriel, qui va nous jouer Abyss, et nous retrouverons Eric Collen sitôt après. À tout de suite. Thank you. Oui, parce que nous, au sein de l'association, on a fait des conférences, on a fait également des explications. Donc, on a un psychiatre qui est à l'intérieur de l'association. Et on a développé quand même le concept que le burn-out n'est pas en soi une maladie psychique, quoique ça déborde sur le psychique, ça détruit, c'est une fatigue émotionnelle, psychique et physique. Mais c'est une question de, on va dire, d'équilibre hormonal, parce que la pression sur le long terme, chronique, fabrique trop de cortisol, trop d'adrénaline, trop de cortisol et trop de, et qu'à un moment donné notre corps ne peut plus gérer, donc ça fait toutes ces réactions physiques. Justement à ce sujet, dans ce qu'on développe là, on a une petite brochure, donc on parle des troubles physiques. Alors je vais te dire un peu et puis tu vas me dire un peu ce que tu as vécu, parce que chacun les vit différemment. Donc c'est intéressant de voir la façon de chacun, la façon dont il l'a vécu. Il y a ce qu'on appelle dans les troubles physiques des manifestations somatiques, c'est-à-dire plaintes ou douleurs, des douleurs abdominales, des douleurs musculaires ou aux articulations, en particulier des douleurs dorsales, des ulcères, des troubles gastro-intestinaux, des troubles alimentaires. Il y a en fait une réduction des défenses immunitaires et il y a une modification biochimique en relation avec le stress, c'est-à-dire qu'il y a une élévation de taux de cortisol qui fait que physiquement, ça peut nous changer nos nuits, où on ne dort plus bien, ou notre appétit. Alors, je ne sais pas, de ce côté-là, comment l'as-tu vécu ? Moi, j'ai souvenir déjà, peu de temps avant que ça arrive, je sais que j'étais parti en congé pour décompresser une semaine, et je n'arrivais pas déjà à décrocher. Déjà, c'était symptomatique, c'était rare que ça m'arrive, et je pensais au travail sans cesse. Donc, les nuits étaient agitées. J'essayais de trouver des solutions dans ma tête, ça fait des années que j'essayais d'en trouver, de toute façon on n'en trouvait pas, ou on en trouvait mais elles étaient vite effacées. Donc il y avait effectivement ces troubles du sommeil, il y avait ces douleurs abdominales effectivement, hein, ce stress, ces gargouilles, toute cette pression interne, les épaules effectivement aussi qui étaient tendues. Peut-être des migraines, alors je ne sais plus si elles sont apparues avant ou après, je sais qu'il y a eu ces migraines qui sont apparues. Différentes choses. Après, ça c'est assez éloigné, effectivement, ça commence à faire loin. Mais il y a eu, ce que je me souviens beaucoup, c'est ces humeurs changeantes, en fait. Vraiment, alors, justement, on va en arriver à. Parce qu'il y a différents points. Donc, il y a les troubles psychiques aussi. Alors, dans les troubles psychiques, on parle d'anxiété intense, d'agitation anxieuse, d'un débit de parole submergent, d'irritabilité, de réaction dépressive, ce qui n'est pas une dépression, mais une réaction, donc un état de tristesse pas franchement un état dépressif, mais un peu triste, disons, un peu un désespoir. À ce niveau-là, par rapport à l'anxiété, l'agitation, le débit de parole, l'irritabilité et la chute. Après, l'anxiété, effectivement, l'anxiété, elle était, de toute façon, c'était un signe, hein, c'était vraiment quelque chose qui était très marqué. Et moi, je sais que j'ai une reconnaissance de maladie professionnelle, c'était l'anxiété généralisée, en fait, effectivement, comme symptôme. L'anxiété était là, c'était la peur de plein de choses, en fait, de tout événement devenait source d'anxiété. L'irritabilité, effectivement, on était tellement mis sous pression que le moindre événement pouvait déclencher une forte réaction. Hein, ça, c'était, Comme tu nous l'as dit précédemment, oui. À la maison, quand tu oui. rentrais, voilà. Oui, à la maison. Après, derrière, il y a des fois, dans les équipes, c'était un peu tendu et on sentait bien qu'on n'était pas très loin d'exposer chacun un peu dans son coin. Hein. Après, on avait aussi, qu'est-ce qu'on avait d'autre qui pouvait être un peu symptomatique? Après, la fatigue, après, elle est arrivée derrière, mais cette envie de dormir. Mais après, je j'ai pas eu l'impression d'avoir cette dépression, effectivement. Cet état de tristesse. Non, j'ai pas traversé ça, je pense pas. Après, l'anxiété était là, effectivement, mais l'état de tristesse, non. Dans les troubles cognitifs, on parle de troubles de la mémoire, de troubles de l'attention, de troubles de la concentration et de troubles des fonctions exécutives. Mémoire, attention, concentration. Attention peut-être, effectivement. Après, ces parties-là, elles étaient peut-être un peu moins présentes parce que je sais que rapidement, moi, j'ai fait du sport, en fait. Rapidement, je me suis remis au sport qui m'a beaucoup aidé. J'ai fait beaucoup de vélo, j'ai repris le vélo beaucoup. Ça m'a vraiment m'oxygéné. Il ne faut pas le dire à la sécu, hein, parce que... C'est un médicament qui coûte pas cher. Mais c'est un médicament qui coûte pas cher, mais vraiment qui m'a beaucoup apporté. Moi, je sais que je pensais à beaucoup de choses, lire, me ressourcer, tout ce qui était en dehors du travail. J'avais pas perdu l'appétence de découvrir de nouvelles choses comme d'habitude, mais pas tout ce qui était en lien au travail, c'était coupé vraiment. Hein. C'était vraiment impressionnant ce lien au travail. Je n'arrivais plus à me projeter dans le travail. Ouais. On parle d'un changement de comportement, un repli sur soi, d'attitude impersonnelle, détachée, négative, voire cynique, comportement agressif. On peut parler aussi de comportement addictif, alcool, médicaments ou autre. L'addiction, c'était plutôt le vélo, finalement. Je crois que j'ai retrouvé... Non, mais vraiment, c'était une addiction. Positive. Hein. Je me suis mis au vélo. Après, je sais moi, j'ai fait aussi... Plus tard, j'ai fait Compostelle, une partie de Saint-Jacques-de-Compostelle. Après, j'ai pas de comportement addictif finalement. J'ai réussi à me tempérer. Après, c'est vrai que le sport aide beaucoup à se canaliser. Donc, après, je sais que j'ai fait aussi du yoga, ça m'a beaucoup aidé. Des thérapies qui sont un mélange d'être et de beaucoup de choses quoi, en fait. Hein. Donc, c'est des thérapies qui sont importantes, lier le corps et l'esprit. Et ça m'a beaucoup aidé, la méditation. Le yoga m'a beaucoup aidé parce que je pense qu'on était à un point, peut-être que dans notre vie, on est à un point où on ne s'écoute plus. Peut-être qu'il y avait ça qui était... moi, je me suis rendu compte de ça, même quand je faisais du yoga. Je suis quelqu'un d'assez athlétique, hein, d'assez réactif. Et je me suis rendu compte que le yoga m'a appris à écouter les limites de mon corps. Parce que bon, je suis d'une grande souplesse. Effectivement, j'arrive à faire plein de choses. Mais le yoga, j'ai vraiment ressenti des choses que... Avant, je n'avais jamais ressenti. Et ça m'a beaucoup aidé, hein. Vraiment. Hein. C'est des choses qu'on ne sait pas. Hein. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a toutes les sortes du yoga aussi en parallèle. Hein. C'est parce qu'on est dans une société qui va tellement vite qu'on a besoin de se recentrer. Et peut-être que c'est ça aussi, ce que vous disiez tout à l'heure, ce que tu disais tout à l'heure, c'est un peu s'isoler. Moi, j'ai vécu un isolement, hein, après mon burn-out. Bénéfique, mais je me suis isolé du monde, hein, en gros. C'est, je me suis recentré sur moi, et ce qui était important, c'était moi, effectivement. Hein, je me suis rendu compte que... Et c'est peut-être ça aussi en lien avec la famille, qui était un peu perturbant aussi. C'est qu'autant avant, j'étais attentif à tout le monde, autant après, je me suis retrouvé attentif à moi, et il n'y avait que moi, quoi, finalement, presque. Il y a un moment donné, c'était presque égocentrique, hein, à un niveau, c'est qu'on a besoin de se retrouver. Oui, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire, oui. C'est vital. C'est vital, effectivement. Ouais. C'était un... De se recentrer. De se recentrer et de se retrouver parce qu'on est complètement à l'ouest. Hein. Oui, complètement à l'ouest. Mmh. Mais je pense que toutes ces pratiques de sport, de yoga, de méditation, tout ça, ce sont, à mon sens, Là, j'ai rien fait pour l'entendre, hein, puisque voilà, c'est un témoignage qui vient. Je ne savais même pas à l'avance ce qu'on allait dire. Mais c'est vraiment, à mon sens, la manière de sortir de l'épuisement. C'est, à mon sens, je dirais, l'issue la plus saine de ne pas prendre de médicaments, d'antidépresseurs ou de choses comme ça, ce qui est, à mon avis, beaucoup plus dangereux. Ouais, après, je sais que les antidépresseurs, après le médecin, il m'en a prescrit parce qu'effectivement, j'étais dans un. Moi, j'ai voulu résister et effectivement, il m'a dit non, là, on ne peut pas, là, dans l'état où vous êtes. Donc, moi, j'essaie de réduire cette fenêtre au maximum d'user d'antidépresseurs, mais à un minima. Il y a les anxiolytiques, ça, j'ai essayé de supprimer tout de suite parce que vraiment, on arrive. C'est des choses qui. Comprend, il faut toujours augmenter les doses, c'est quelque chose d'assez impressionnant, c'est vraiment une drogue, et d'ailleurs c'est même interdit aux États-Unis, hein. c'est produit, et ça il faut faire très attention, et ça je sentais bien qu'il y avait peut-être une addiction, c'était peut-être sur ce type de médicaments, parce qu'on en prenait, et même le jour de la reprise, il m'avait dit, mais vous en prenez un, deux, enfin, je lui dis, ouais, mais bon, si je commence à prendre des médicaments pour aller au travail, ça va pas, quoi, autant que, pourquoi pas me droguer non plus, à un moment donné, il faut quand même être un peu cohérent, assez droit dans ses baskets. Moi, je ne me voyais pas retourner au travail en me dopant, en me nourrissant de médicaments. C'était impossible. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours eu plaisir à aller au travail avant. C'était vraiment, moi, j'y allais avec plaisir, j'apportais des choses. Mais après, c'était plus possible, quoi. Et certainement pas avec des médicaments. Si on va au travail avec des médicaments, c'est forcément qu'il y a une alerte à tirer. Et c'est pas à nous à pallier un déficit des entreprises ou un déficit d'organisation des entreprises. C'est certain. Là, c'est un sujet... On serait presque dans le meilleur des mondes de Huxley avec le soma. Voilà. Prenez un petit peu de soma et tout va bien. Bon, après cet aparté qui n'en est pas une, en fait, qui n'est juste qu'un lien entre une chose et une autre, on parle aussi de changement dans la motivation, ben une baisse de la motivation professionnelle, des doutes sur ses propres compétences aussi. Voilà. Moi, j'étais pas là-dessus, en fait. Je n'avais pas des doutes sur mes compétences. J'avais plutôt des questions sur ce que j'allais en faire, surtout. C'était pas les compétences, elles étaient là. C'est pas ça. C'est que, effectivement, la baisse de motivation professionnelle, c'est que ça n'avait plus aucun sens d'aller travailler comme on le faisait, en fait. Hein, d'avoir. Pourtant, j'aimais faire ce que je faisais, mais. Et j'y prenais du plaisir à construire des systèmes d'information, à concevoir, à modéliser, à chercher des solutions qui allaient bien. Mais on avait tellement réduit à néant tout ce qu'on avait fait, en fait, et réduire juste notre travail à quelque chose de... Juste, c'était juste les délais qui comptaient, en fait. Hein. On n'avait même plus la capacité à faire des choses, des belles choses, en fait, et des choses dans la règle de l'art, qu'on en arrivait à être dégoûté de ce qu'on a fait. Donc, on n'a plus envie d'y retourner. On sait que, en plus... La majeure partie des entreprises, maintenant, ça se passe comme ça, et c'est malheureux, mais tout ce qui compte, c'est les délais, le pognon, etc. Et c'était un non-sens total, quoi. Donc, effectivement, le manque de motivation, il était de facto, quoi, en fait. Ouais, mais c'était pas un manque d'envie de faire, c'était un manque de sens dans ce que je devais faire, et avec tout ce que j'avais appris, parce que c'est quand même un investissement, Et tu sais, quand on investit, parce que l'État investit aussi, moi j'ai fait des études, des années, bac plus 5, j'ai travaillé dans des grandes boîtes, j'ai été consultant pendant une dizaine d'années, c'est toutes ces connaissances qui s'en vont, quoi, en fait, finalement. C'est 20 ans d'expérience qui partent en fumée parce qu'on ne fait pas attention aux gens. Et on n'a plus envie d'y retourner. Hein. Et maintenant, nous allons faire une pause musicale avec la pianiste belge Auriel et le morceau Terre et racines, et nous nous retrouvons ensuite avec Éric Collen. À tout de suite. Thank you. seule question, Eric, et le après ? Parle-nous de après. Bon, le après, c'est un changement radical. Moi, je sais que le après, bon, j'y suis retourné dans l'entreprise. Je vais encore terminer juste cette partie-là parce que c'était important. Moi, je suis retourné dans l'entreprise, j'ai changé de poste et je me suis retrouvé aussi délégué du personnel, représentant du personnel pour lutter contre les risques psychosociaux. Donc en étant syndiqué, en étant dans un syndicat, en étant au CHSCT, en lien avec la direction, hein, vraiment dans des instances, et je me suis rendu compte qu'ils n'en avaient rien à foutre, quoi, en fait, finalement. Mais c'était vrai que c'était invraisemblable, et c'est ça qui m'a achevé, finalement, parce que c'était vraiment une compréhension du monde qui était impossible pour moi, quoi. J'avais l'impression que, au départ, j'ai cru que c'était un accident. Mon premier projet, je me dis, bon, c'est parce que c'était un gros programme, on était 200, c'était le bordel, ok. Mais après, partout, c'était pareil. Moi, je me rendais compte que dans l'entreprise, il y avait des alertes de risques psychosociaux un peu partout, des RPS, et on pouvait pas les gérer. On en avait pris, il y en avait que 3 qui étaient gérés dans toute l'année. Et rien n'avançait, de réunion en réunion, on rassassait toujours le même problème, tel manager qui provoquait tel malaise dans les équipes, etc. Et c'était sans fin, et je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait ? Et ça m'a sidéré, et je sais que la dernière chose qui m'a... C'est ça qui m'a vraiment fait sortir de l'entreprise, et je le raconte dans mon livre, effectivement. Oui, tu peux nous parler en même temps de ton livre, effectivement. Oui, parce qu'après, c'est dans l'après. Après, quand je suis sorti de l'entreprise, j'étais licencié pour inaptitude à tout poste, hein, qui fait suite à une reconnaissance de maladie professionnelle, parce que j'ai fait la démarche pour faire reconnaître mon burn-out en maladie professionnelle, qui était un chemin de croix, hein, quand même, faut quand même le dire. C'est vraiment des paperasses invraisemblables et des procédures qui durent encore et encore. Et bon, comme quoi, comme si on voulait essayer de nous dissuader de le faire, oui. Finalement. Tout à fait, oui. Donc du coup, licencié pour inaptitude à tout poste. Après, j'ai droit au chômage, mais la difficulté, c'est de retrouver, déjà de retrouver l'énergie pour faire des choses, parce qu'on est complètement décalqué. De savoir où on va aller, donc ça prend du temps. Moi, je sais que je suis parti dans plein de directions, j'avais une idée tous les jours différente, hein. Je partais un peu dans tous les sens. J'avais envie de faire plein de choses, mais je me rendais compte finalement que ça menait nulle part, pour finalement arriver à une activité qui permettait de lier à l'humain, et de reprendre un petit peu ce que je faisais avant dans les interviews, aller à la connaissance, aller interviewer les gens pour savoir, pour connaître un peu leur vie, sur lier à l'humain, et pour écrire un peu leur vie en étant biographe. Donc c'est ça que j'ai transformé, j'étais attiré par tout ce qui était artistique, en fait. L'écriture, je me suis mis à la musique en sortant aussi, j'ai fait 45 ans, je me suis inscrit à une école de musique, je me suis mis au violon, enfin il y a tout un tas de choses. C'était vraiment un changement radical, je suis passé du productif à artiste improductif, en fait. C'était vraiment une balance impressionnante, et c'est tout ce qui m'intéressait, en fait, hein, de faire des choses pour moi. De créer des choses, de faire des choses pour les autres aussi. Et donc du coup, quand je suis devenu biographe, par l'intermédiaire d'une biographie, j'ai rencontré une éditrice qui m'a rencontré pour raconter, parce qu'elle était intéressée par l'histoire que j'avais à écrire pour quelqu'un d'autre. Et finalement, en m'interrogeant sur mon parcours, elle a dit, mais il faut qu'on écrive un livre. Et du coup, on a signé un contrat chez un éditeur, et j'ai écrit mon livre qui est « La méthode Michelin ». Comment rendre inapte les salariés au travail, qui est l'histoire de ce que j'ai vécu dans ce burn-out. Donc avec toutes des réflexions sur le burn-out, sur la société, sur plein de choses. Aussi sur comment les entreprises manipulent les gens et les mettent sous emprise. Parce qu'effectivement, Michelin, c'était un peu... Ce que je raconte au début, c'est les étoiles plein les yeux. C'est vrai qu'on entend Michelin, c'est le bien-être au travail, c'est plein de choses. C'est des formations longues comme le bras. On a des listes de formations qui sont... invraisemblable. On est choyé tout au début, et au fur et à mesure, la pression augmente. Quand on commence à élever un peu la voix parce qu'on ne nous entend pas, on nous rééduque, on nous envoie en formation, apprendre à mieux communiquer, apprendre à mieux se connaître. En fait, on n'arrête pas de pointer le doigt sur le salarié pour dire celui qui déconne, quoi. Mais c'est toi qui déconne, tu ne peux pas parler comme ça, ça ne se fait pas de dire ça, ça ne se fait pas de se mettre en colère, enfin bref. Toutes des injonctions qui sont invraisemblables et impossibles, avec des non-sens totaux, hein. On s'est retrouvés, nous, à livrer des applications On était gardé les soirs de la fête de la musique pour livrer une application et en sortant, on nous apprenait que ça avait été annulé la veille. Enfin bref, c'était des choses qui... Mais c'était un non-sens total, quoi. Et on devenait dingue dans cette entreprise. Moi, je devenais dingue, en tout cas. Donc effectivement, on essaye de se reconstruire comme on peut. Et moi, l'écriture m'a beaucoup aidé aussi. Donc en plus du yoga, du sport, oui, etc. Mais l'écriture a eu cette vertu cathartique de déposer les mots. Et je dirais de réhabiliter ma parole. Moi, c'est ça que je retrouve, c'est que pendant des années, on a essayé de me faire taire. Et le fait d'écrire un livre et de donner ma version de l'histoire, ma version, bah, ça m'a beaucoup aidé. Et ça aide beaucoup de gens. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, qui lisent mon livre, bah, qui se reconnaissent dans l'ouvrage. Parce que bah, déjà, les Michelin, parce que il y a beaucoup de Michelin qu'on a essayé de dire bah, c'est toi le problème, en gros. Finalement, ils se disent bah, je ne suis pas le seul quand même, hein, mine de rien. Et des tas de personnes dans d'autres entreprises, aussi dans tout ce qui est administration, hein, se retrouvent dans cette façon d'être personnalisé au travail, de plus exister et de perdre du sens dans ce qu'ils font alors qu'ils sont bah, très, très investis, hein, finalement. Donc c'est en gros, le livre décrit un peu la société dans laquelle on vit, hein, qui est une société qui est comme la planète, c'est qu'on prend des ressources, on les consomme, on les jette, enfin c'est quelque chose un peu comme ça, on est devenu de la matière jetable et qu'on peut utiliser comme on veut finalement, et comme une ressource, comme le pétrole, comme n'importe quoi, comme les arbres qu'on détruit, comme un peu tout. On prend, on jette, et une fois qu'on a écrasé, ben, il n'y a plus rien aussi. C'est la société consumériste comprenant également l'être humain. Consumer l'être humain. Enfin, je comprends dans cette façon de dire, qui n'est peut-être pas très française, mais enfin, j'entends, on le prend comme un produit. L'être humain est un produit qui doit être rentable. C'est une ressource. Oui. On essaye justement, ce qui était assez drôle, c'est chez Michelin, on essaie d'éviter l'emploi de ressources humaines. Bon, c'est... Okay. Oui, ben, c'est une manière comme une autre de dire qu'en fait, l'être humain doit rapporter hein, et puis doit être productif. Hein. Nous, on disait, enfin, moi j'ai connu aussi une grosse société comme ça dans laquelle j'ai effectivement aussi été. Et on nous disait, nous, on était les citrons pressés. Donc, on pressait, hop, la peau à la poubelle, on reprend un autre citron, on presse, hop, la peau à la poubelle. En fait, c'est une manière de déshumaniser les gens, quoi, en fait. C'est assez difficile à entendre. Alors, le après, avec cette... Donc, là, c'est un grand pas en avant, une autre façon de voir et une autre façon aussi de se réinsérer dans une autre sorte de vie. Oui, c'est essayer de trouver un équilibre entre soi et entre les autres, en fait. Trouver un équilibre dans sa vie, dans ce qu'on donne aux autres et dans ce qu'on a, puis essayer d'avoir un autre rapport à toute la société, effectivement. Après, ça, cette partie, on l'avait déjà, nous, on était très... je dirais qu'on faisait déjà très attention, avec les enfants on avait des couches Laval, enfin il y avait tout un cheminement qui était déjà là, en fait, hein, de pas dans une société de consommation et de plutôt profiter des plaisirs de la nature, d'aller se promener, des choses comme ça, plutôt que de consommer. Donc là, moi je suis dans la ligne, je suis dans la suite, en fait, en gros, c'est d'essayer de vivre avec ce qu'on a et essayer de trouver les ressources en soi et d'aller vers des choses beaucoup plus simples. Et moi, je trouve que la biographie, elle aide beaucoup. En tout cas, moi, il y a la biographie et derrière, il y a d'autres choses qui sortent. C'est des ateliers d'écriture, c'est la cryptothérapie, c'est toutes les aides qui sont... apporté par l'écriture. Après, on parle de biographie, mais moi je dirais plutôt déposer des choses de sa vie. Vous savez qu'il y a des moments quand on traverse des périodes difficiles, le simple fait de les mettre en écrit, de les poser, ça fait du bien et ça permet d'y voir plus clair, et ça permet aussi de tourner une page pour passer à autre chose. Et c'est très important, moi, c'est ça que ça m'a appris. Moi, depuis, j'écris tout le temps, hein. J'arrête plus d'écrire. C'est comme si j'étais tombé dans la marmite et maintenant, je ne fais plus que ça. Et voilà, puis après, il y a aussi la créativité, la musique qui apaise beaucoup. De faire de la musique, c'est une nouveauté pour moi aussi. Après, j'aimais beaucoup la musique, mais j'avais jamais imaginé que c'était aussi complexe aussi. Après, ça, c'est encore autre chose, mais on croit toujours que la musique, c'est simple, mais ça demande du travail, quoi. Ça demande du travail et c'est pas forcément rétribué, mais on fait un don aux autres quand on joue. Donc là, ben, c'est en quelque sorte un appel en disant que vous pouvez contacter Eric Collen si vous désirez écrire votre biographie, ou écrire en tout cas, ou participer à des ateliers d'écriture. Il y a donc un site. Oui, le site c'est sillondevie.fr. Donc le sillon de vie, pourquoi? Parce que c'est la trace que l'on suit, la trace que l'on laisse, et voilà la trace de soi en fait finalement. Bien, voilà. Et ça se trouve, les ateliers et autres, à... Pour l'instant les ateliers, après moi je viens changer de ville donc après j'ai pas forcément le lieu mais ça va se faire sous peu. Hein, Pour l'instant, c'est sur Épinal. c'est sur Épinal. Après je peux en organiser à la demande. Hein, en gros on peut faire des ateliers d'écriture pour plusieurs personnes. Après, on peut avoir des thématiques sur des livres, sur des poèmes. Enfin, on a tout un ensemble de choses qui permettent de libérer. Et ce qui est bien dans les ateliers d'écriture, c'est qu'il y a une énergie qui se développe. En gros, au départ, les gens, ils sont un peu réticents. Puis finalement, après, en ayant commencé un premier atelier, le deuxième, la créativité se libère. C'est assez impressionnant, en fait, avec quelques mots, comme on arrive à écrire. Parce que c'est ça, en fait, moi, j'oblige à rien dans mes ateliers d'écriture. Les gens écrivent et ils lisent s'ils veulent ce qu'ils ont écrit, en fait. Hein. Il n'y a rien d'obligatoire et il n'y a pas de jugement. Il n'y a rien. En gros, ce que moi, ça m'a appris aussi, c'est que l'écriture, on nous apprend à l'école qu'il faut des règles, qu'il faut que ça, etc. Moi, j'écris comme ça vient, finalement. Et c'est quelque chose qui sort naturellement. Et peu importe l'orthographe, on s'en fiche. À la limite, moi, je ne vais pas contrôler l'orthographe dans les ateliers d'écriture. C'est ce que les gens ont à dire qui sortent. Après, derrière, s'il y a des correcteurs d'orthographe à mettre en place, on mettra. Mais c'est pas l'important, c'est de se faire plaisir dans les ateliers. C'est de sortir. Et on s'aperçoit, parce qu'il y a aussi l'écriture thérapeutique qui se fait, on s'aperçoit, plus on met de règles, contraintes, en fait, plus les gens arrivent à sortir des choses sans s'en apercevoir. Des choses de leur vie, des choses qui leur pèsent, et ça a vraiment une vertu thérapeutique. Alors après, ça, c'est un type d'atelier à mettre en place, mais après, j'en fais aussi, je peux en organiser des comme ça, en tout cas. Voilà. Eh ben, on te remercie beaucoup, Eric, d'avoir témoigné cet après-midi. Et puis, ben, on te dit peut-être à bientôt pour organiser des ateliers d'écriture dans le cadre d'association Ralentir pour vivre. Pourquoi pas? Pourquoi Voilà. pas, oui. Avec plaisir, en tout cas. Merci, Voilà. Catherine. On te remercie beaucoup, Eric, de ton témoignage, et on te souhaite une bonne fin de journée. Merci.